chrono, football. Alors, football, on continue avec Henri, d'autres résultats. Nous passons à la PHB Poule B, Egalière Avignon 2 à 2, Camaret Malocène 0 à 0, Velleron Luberon 0 à 0, Dentelle Violès 2 à 3, Château Renard Carpentras 8 à 4. Waouh, super match. Ah ouais, non, là c'est bon, là. Château Renard. Villeneuve FC Orange 0 à 2 et Sorgue Gadagne 3 à 1. Donc c'est tout pour moi ce soir. Merci Henri, merci d'être venu. On espère te retrouver la semaine prochaine. J'espère être présent. Ouais, parce que tu sais qu'avec GFoot 84, on espère avoir un soir Kader Nasri qui vient dans nos studios et parler surtout football. Tu connais Kader ? Kader, ex-dirigeant ou ex-entraîneur du Pontet, c'est ça ? Exactement, à la fois aussi, il faisait partie aussi du staff de l'Olympique de Marseille il y a quelques années en arrière, et c'est vrai que c'est lui qui est un petit peu à l'origine de GFoot, et à la fois aussi de ce beau site, hein, qui nous permet aussi d'avoir des résultats, c'est pour ça qu'on lance un petit clin d'œil ce soir. L'autre fois, juste par aparté, si des fois vous avez un lien de parenté avec GFoot, sachez qu'il faut dire aux personnes qu'on appelle de GFoot que c'est bien Fly FM, mais ne sont pas une blague, puisqu'on m'a toujours pas répondu sur les appels que j'ai déjà lancés téléphoniques. Alors dites bien que Fly FM, bien sûr, est une radio sérieuse, que Top Chrono est vraiment le magazine des sports. Donc il faut venir dans cette émission. Voilà, c'est tout. C'était un petit appel. Autre chose ? Non, non, c'est tout pour moi. Très bien. Le football se porte bien dans le Vaucluse ? Ça va, calmement mais sûrement. Merci Henri, on te retrouve la semaine prochaine. La suite. On va de suite appeler. On va appeler Elisabeth Bassotti. Le numéro, il est là, sur la feuille, ma chère Monique. Merci, Monique. Top chrono, athlétisme. Allez, on va revenir. Juste avant d'appeler Isabelle Bassotti, on passe deux minutes avec Didier Bougon. On va pas parler du championnat de France, on va pas parler ce qui s'est passé dans la région au niveau des résultats. Et on revient de suite avec Isabelle Bassotti pour le rallye de Vaison. Oui, Didier, oui. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait une petite course qui avait lieu donc à Ménerbe. Et à ce niveau-là, bon, c'était vraiment quelques prétendants, des gens qui courent sur des courses de 8 km et de 15 km. Et au niveau de l'organisation, c'est le foyer rural de Ménerbe qui s'était occupé de ce challenge, Pierre Gourmelin, proposant donc à toutes ces personnes du hors-stade. Alors, course bien sympathique, puisqu'au niveau du 8 km 4, c'est Damien Riba qui l'emporte devant Mohamed Darwani, ainsi que Thomas Chamberon. Ensuite, sur la course de 14 km, c'est Gilles Vigne qui est de Ménerbe, et qui est un pompier qui s'impose devant Mohamed Saber et ainsi que Adrienne Haute-Avoine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anne Rosati a fait sa rentrée sur ses courses et Anne a été une dauphine. Mais bon, je pense qu'elle revient tout doucement et progressivement au niveau de la compétition puisqu'elle avait eu quelques petits problèmes au niveau physique. Ouais. On a avec nous Eric Fagot, on va en parler un petit peu de ces courses qui se déroulent un petit peu dans tout le département. On a certains athlètes qui font les deux. Eric, c'est un bien ou c'est un mal pour la course, on va dire, pour nos athlètes, quoi. Non, c'est-à-dire il y a 20 ans en arrière, mais pas trop, ça faisait de la concurrence à l'athlétisme. Et la Fédération française s'y est mise et du coup les coureurs sur route, moi j'en ai pas mal aussi dans le club. Brahim et Ouadif, c'est les ténors des courses sur route du coin. Donc pour nous, on les accepte, au contraire, et on s'entraîne ensemble et ils apportent beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Ouais, c'est vrai qu'on voulait voir un petit peu avec toi ton ressenti, parce que bien souvent, nous, on fait des commentaires, on essaie un petit peu d'analyser. C'est vrai que certains coureurs, des fois, privilégient plus ces petites courses locales que le cross-country, que des courses fédération française. C'est bien dommage, quoi. Oui, mais bon, c'est à nous, entraîneurs, dirigeants, d'essayer de leur expliquer ce qui se passe aussi autour, parce que souvent, c'est un manque d'informations. Moi, j'en ai qui font les courses sur route et qui, hier, étaient au championnat de France de cross-country. Moi, j'impose deux, trois compétitions importantes pour le club, et après, le dimanche, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, ils font un peu de pub pour le club aussi. Parfait, on retrouvera. Alors, est-ce que tu avais d'autres résultats, Didier? Non, terminer. Bon, c'est vrai que c'est deux courses, la course de Ménerbe, hein, qui avait de distance, ouais, sur 8 et sur le 14, sont au calendrier du challenge des courses hors stade au niveau du Vaucluse. Actuellement, ce qu'on attend, c'est de voir après, d'ici fin mars, c'est le Tour des Remparts, qui a du mal à se prononcer, parce que il y a eu quelques soucis, je sais, j'ai eu des échos et je suis bien placé, puisque Ahmed Kartoff on est chargé de le passer à un 10 km qualificatif. Et justement, ils ont refusé le parcours. Donc il va aller une énième fois refaire un autre parcours et retrouver, disons, des points cruciaux pour que, avoir vraiment un dossier complet et qui soit accepté. Alors, c'est vraiment dommage pour lui. On se retrouve dans quelques minutes, dans une quinzaine de minutes, 35 minutes bien sûr, avec Eric Fagot. On parlera bien sûr de ce championnat de France en détail. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes. Restez bien à l'écoute de Fly FM et surtout de l'émission Top Chrono. On va revenir dans l'athlétisme et on va s'installer aux alentours de 19h35 ce lundi soir. La suite, sport. Top Chrono, sport mécanique. Sport mécanique, et oui, le rallye de Vaison 2017, le 34e rallye de Vaison régional est en cours de préparation, puisqu'on est déjà bien avancé, puisque la course va se dérouler le 4 et 5 mars. Avec nous, du team Vasio Romain, notre amie Elisabeth Bassotti, qui fait partie, presque, je veux dire, c'est une structure de ce club. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à toi et bonsoir aux éditeurs. Merci Elisabeth de prendre quelques minutes et nous expliquer un petit peu tout ce qui va se dérouler. Ce rallye de Vaison, plus de 130 concurrents vont s'élancer. Reprends-moi rapidement parce que je crois qu'on est à plus de 140, je crois, non? On est à 148 au moderne et 14 VHEC, donc c'est un record pour nous. C'est une reconnaissance. C'est déjà un record, mais c'est une reconnaissance d'une belle épreuve qui mérite à tous ses concurrents de participer. Parce que bon, c'est la qualité, c'est le retour aussi que s'échangent tous ces pilotes régionaux pour après prendre des engagements, pour venir dans des rallyes régionaux, passer un bon week-end. Et je crois que Vaison fait bien les choses. Vous faites bien les choses, quoi. Bah, écoute, merci pour tout ça. Par contre, on a dépassé le stage, le régional, puisque cette année, on a un plateau qui est vraiment digne d'un national, on va dire, puisqu'on se retrouve avec des très grosses voitures au départ, et notre plateau est extrêmement, on va dire, de choix, puisque nous avons des Skoda en R5, une 208 T16, deux Ford Fiesta, des Peugeot 207 L2000, donc difficile pour nous de d'établir un tiercé gagnant, puisque toutes ces personnes ont la possibilité de gagner, en fait. Cascani, Frédéric sera un peu l'épouvantail, c'est lui qui a été... Richard Autran devrait être là, on l'espère cette fois-ci. Autran, Richard est là, oui, ouais, en R3. Qui va avoir fort à faire aussi, parce qu'il y a un gros plateau en R3. Ouais, surtout, donc ce gros plateau s'explique parce qu'on a une finale donc dans la région PACA, finale des rallyes, qui va se dérouler sur Marseille, et c'est ce qui fait que les gens viennent chercher des points chez nous pour pouvoir participer à la finale, ce qui explique ce grand succès aussi. Alors donne-nous un petit peu le programme. Je crois que ça démarre samedi matin avec la vérification samedi, à 11h. On va avoir trois spéciales. On a un petit changement. On a relooké un peu notre rallye cette année, puisqu'on est passé de 6 spéciales à 7 spéciales. Et une nouveauté, c'est la Combe de Vaud Malocène va se faire en sens inversé. C'est-à-dire qu'on va partir sur Propiac donc l'après-midi à 14h13. On va aller sur Brandt à 15h01. Et on va faire la Combe de Vaud à 15h44. Voilà le programme pour le samedi. Et le dimanche, nous allons faire Mérendol-Propiac à 8h33, Brandt à 9h21 et la Combe de Vaud à 10h04 et on reprendra Propiac à 12h27. Alors juste pour dire aux auditeurs, on se souvient, Brandt Savoyan, le rallye du Monte Carlo, les fameuses groupes B avec, on va dire, Jean Todt comme chef d'orchestre de cette écurie, ça reste quand même des spéciales mythiques quand je vois ça. C'est vrai que pour un rallye régional, pour se faire plaisir, pour prendre des points, on ne peut que venir au rallye de Vaison, quoi. Oui, tu es tout à fait, parce que Brandt, effectivement, c'est mythique, le rallye de Monte Carlo. Elle reste toujours exceptionnelle par ses épingles serrées, par la montée dans le village. Et c'est vrai que ça rappelle même un petit peu, pour les gens qui connaissent, les véhicules historiques de Corse, parce qu'en fait, ce petit village perché a tout à fait la même configuration que les spéciales de Corse mythiques. Revenons un petit peu à son programme de la journée. On part pour ces trois spéciales. Alors, l'arrivée des premiers véhicules samedi soir du côté du centre culturel. En parc fermé à Vaison-la-Roumaine. On peut rajouter qu'au niveau du classement, tout va se jouer au niveau de la météo, parce qu'il va y avoir un choix de pneus qui va être déterminant, qui va partir en slick, en mix ou en pluie. Chacun va choisir ça. Les coups ne sont pas autorisés. On va se retrouver avec des spéciales. Voilà, Propia peut être suivant la pluie, peut être beaucoup plus sèche que Brandt qui est placé dans les contreforts du Géant de Provence. Donc en fait, la météo va être déterminante et le choix des pneus. Ah ouais, alors je te taquinais en off, je disais les coups ne sont pas autorisés, parce qu'on sait qu'il s'est malheureusement passé des choses qui sont inhabituelles du côté de Vaison. C'est une fois, il y a eu la neige. Oui, on a eu une fois la neige. Cette année, s'il y a la neige, ça va être simple. Je pense qu'on ne va pas pouvoir partir, mais je ne crois pas qu'on ait la neige. Là, il faut quand même être réaliste. Les températures sont hautes et on nous annonce pas un tsunami sur Vaison. Donc on va rester plus varié, peut-être avec... ça va se situer peut-être, enfin, je ne suis pas Madame Météo, mais peut-être ça va se situer entre peut-être du sec et de la pluie. Voilà, dimanche matin, on repart pour un deuxième tour. Ouais, c'est ça. Ouais, les horaires. Donc, on a quelques régionaux aussi qui vont se battre chez nous, parce que on a par exemple Grand Ordi avec sa Mégane magique qui va se battre, puisque l'année dernière, il a fini deuxième devant Pupo qui est là aussi. Stéphane Pelleret qui fait son retour, donc c'est à signaler. Attention, parce que c'est un garçon qui va très très vite, Stéphane. Et donc il est là avec nous, puisque c'est un Vaisonnais, donc il sera là. Il avait fait tous les scratchs en 2014, sur toutes les spéciales, donc voilà un candidat qui sera regardé. Ensuite, il y a une petite nouveauté, on a un équipage suisse et italien. Bah, écoutez, c'est la première fois dans un rallye régional qu'on va avoir deux équipages étrangers. Donc c'est une particularité au Vaison cette année. Ensuite, on a des personnes comme l'équipage Panagiotis que tout le monde connaît, qui est en GT10 habituellement, Jean-Yves. Et qui passe en F2000 avec une BM. D'accord, ils ont abandonné. Voilà, sympa. Dans les VH historiques, on va parler bien sûr de les vainqueurs de l'année dernière qui sont encore là, Trignane et Ponzevera. Et on a aussi l'équipage Vought qui sera là, que tout le monde connaît dans la région, oui, avec l'Alpine. Mmh, exact. Alors, voilà. Avec une coéquipière, on peut le dire, qui a fait partie, mais qui a donné des notes à des grands pilotes qui avaient roulé un championnat du monde. Oui, je vous dis Jean-Marie, bien sûr, qui reste très sympathique et très abordable. Exactement. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut rajouter, c'est que au niveau de la participation, nos 148 équipages et 14 VHEC, c'est quelque chose d'important pour nous, parce que de plus en plus dans les rallyes, on a quand même beaucoup de choses à faire au niveau de la sécurité. Et les gens, les participants, ont de moins en moins de moyens. Donc on avait vu que ça baissait, hein, dans tous les rallyes régionaux de la région, Venasque, Sarrien, on a une baisse. Donc nous on est contents, parce qu'il y a une grande participation. On est le premier rallye de la région PACA après une période estivale, une période hivernale, pardon, estivale non, hivernale. Donc voilà. Alors, Elisabeth, on n'oublie pas, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire il y a quelques secondes, tu viens de citer, c'est la sécurité très importante pour le public. On ne va pas se remémorer les images qu'on a vues chez nos amis d'Eurosport 2. On va laisser tomber, c'est plutôt, c'était l'équipe, je m'excuse pour m'être trompé de chaîne télévisée, c'était lors du Monte Carlo. On a demandé au public d'être très très assidu sur les, on va dire, sur les zones. Bien sûr, on a un RTS très très draconien, c'est-à-dire qu'on a des zones publiques où les gens doivent être là. Moi je dis toujours, ce n'est pas une rue balise rouge qui va arrêter une voiture qui qui part de sa trajectoire et qui va dans le public. Donc s'il vous plaît, les spectateurs, mettez-vous bien en sécurité. Tout est étudié pour que vous passiez un bon moment derrière les rubalises vertes et en aucun cas derrière les rubalises rouges, car nous, de notre côté, surtout dans Propiac, au niveau des épingles, si nous avons des spectateurs mal placés, nous serons obligés d'annuler la spéciale. Donc c'est quand même dommage, les gens se déplacent. Et vous pouvez voir et vous pouvez prendre des photos très belles aussi dans les endroits de sécurité. Donc il est demandé effectivement aux spectateurs de prendre bien soin d'eux. Merci Elisabeth, merci pour tout. On sera bien sûr à vos côtés pendant ce week-end. Hein. Peut-être... On verra, on pense peut-être y être dimanche, on sera samedi, dimanche, et après on essaiera de caler peut-être un direct dimanche après-midi, on verra. Hein. Ben écoute, merci à vous et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, vive le team Vasio-Romain de Vaison-la-Romaine. Merci, encore une fois, Elisabeth. Voilà, c'était le rallye de Vaison, et puis maintenant on passe bien sûr au côté sublime de notre émission. Enfin. C'est le magazine Horizon, Marie qui en sourit, parce que c'est vrai, écoutez, on sort de l'hiver, on n'a pas encore mis, on va dire, les petits plats dans les grains, puisqu'on a un programme un petit peu amoindri, parce que les beaux jours arrivent, et au mois de mars, c'est quelque chose de mieux, et au mois d'avril, le dicton dit... te découvre pas d'un film, mais fais ce que tu veux. Quoi. C'est ça, oui, oui, fais ce que tu veux. Oui, l'actualité sportive est très, très calme, je trouve, en ce moment. Donc, ça va reprendre petit à petit. Moi, j'ai du vélo à vous proposer. Samedi 4 mars, il y a à Romans une sortie vélo de route avec quatre parcours route, un 40, un 60 et un 92 km, bon, avec un dénivelé de plus de 370 à 910 mètres et un 18 km ouvert aux personnes en situation de handicap. Si vous préférez faire du VTT, il y aura trois parcours qui vous seront proposés, toujours à Romans, un 20, un 40 et un 50 km avec un dénivelé de plus de 250 à 1000 mètres. Il y aura également trois ravitaillements sur les parcours, ça c'est pour Jean-Yves. Si on fait le 20, il y a trois ravitaillements aussi. Je sais. Ou même le 18, hein, tu peux le faire celui-là. Ensuite, je passe à autre chose, du samedi 4 au dimanche 5 mars, il y aura la quatrième bourse au vélo de Cavaillon. Il y aura environ, depuis plus de 4 ans, il y a plus de 350 vélos qui sont déposés et un peu plus de la moitié qui sont vendus. Donc ça se situe dans la grande halle du mine de Cavaillon. Et un parking gratuit, buvette, animation de l'école de VTT du club le samedi après-midi. Exposition également de vieux vélos, donc samedi de 8h à 18h et le dimanche également. Donc si vous voulez acheter des vélos de qualité en solde, eh bien vous pouvez y aller, il y a de la belle marchandise. Ensuite, je passe au dimanche 5 mars, et là ça sera une course à pied, la ronde de Robion, avec trois épreuves, un 2 km pour les enfants, et deux courses nature de 12 km et un autre de 6 km. Tu peux le faire, Jean-Yves Seul. Le 6, oui. Le 6, oui. Voilà, ça sera tout pour moi. Mais c'est parfait, Marie. Écoute, voilà, alors vous savez, vous restez la course à pied et du vélo. Je ne vais pas alors. Non, on est quand même gâtés. On est gâtés pour ce week-end qui arrive. Je voudrais dire aux mauvaises langues que je cours maintenant et que bientôt je pourrai faire le 12 très facilement. Alors si vous voulez n'êtes pas convaincu, allez sur Top Chrono dans la rubrique du Facebook et vous verrez bien Jean-Yves. Et là après vous ferez une idée du talent que ce garçon peut avoir. Merci chef. Allez, ce soir, c'est Horizon. Grand portrait, bien sûr, sur Eric Fagot, mais sur ce club de Carpentras. Eric Fagot, coureur, bien sûr, sur piste du 800 mètres, hein, qui a fait partie des meilleurs Français, mais qui a aujourd'hui pris une nouvelle cape. Il est président de ce club. Et c'est lui qui te donne un petit peu son savoir-faire, son expérience de la course à ses jeunes talents. Et le championnat de France de cross-country va nous donner raison. Et pour en parler, on va donner de suite la parole à notre ami Didier Bougon, je croyais essayer de dire bip-bip. Pour les auditeurs qui viennent d'arriver. Bonsoir encore Eric, une deuxième fois, oui, dans ce nouveau magazine. 30 minutes pour nous, pour parler bien sûr de l'athlétisme et de ce championnat de France de cross-country. À toi, bip-bip Bougon. Ben oui, voilà, moi ça me fait très plaisir de voir Eric ici dans nos locaux, puisque l'athlétisme, lui, connaît l'athlétisme depuis bien avant moi, hein, puisque malgré mon jeune âge, j'ai eu le premier pied dans l'athlé, c'était à l'âge de 20 ans, au moment du service militaire. Mais quand j'ai regardé son palmarès à la fois de coureur de 8 et puis aussi sur les années d'avant, on peut dire que Eric maintenant va nous résumer en gros largement ou étroitement sa carrière. Bon, en fait, tu vas nous donner quelques petits résultats sur le 400 et le 8 au niveau de tes performances, et puis après on parlera de ton club, puisque t'es resté quand même un personnage à la fois fidèle, puisque je sais très bien qu'il y avait certains athlètes maintenant pour un rien, hop, dès qu'il y a des résultats ils partent, et toi t'es vraiment l'aspect fidèle au lien du club de Carpentras. Ouais, je suis fidèle, c'est vrai. Donc je suis pas venu parler de moi hein, ce soir. Donc la carrière, c'est loin. Donc moi, j'étais coureur de 400, 800, 1500. J'étais le meilleur coureur de 1000 mètres dans les années 86, en 2 minutes 20, 1,48 au 800, 3,43 au 1500. Enfin bon, voilà, c'est tout. Je ne vais pas en parler plus. Je me suis régalé. Le club m'a accueilli parce que moi, je suis champenois. Je suis venu, j'ai fait toutes mes bases là-bas. J'ai entraîné très tôt. Ça fait 35 ans que j'entraîne. Mais l'athlétisme en général, c'est-à-dire courir, sauter, lancer. Et je suis spécialiste de demi-fond, bien sûr, mais je touche à tout. Ce club de Carpentras a toujours été un petit peu en lumière, grâce à toi aussi. Et aujourd'hui, oui. C'est les jeunes pousses qui arrivent. Est-ce que tu as un regard pour l'avenir qui est plutôt positif? Oui, mais en fait, nous, Carpentras, c'est un club, j'y tiens beaucoup, formateur en fait. Nous avons souvent beaucoup de jeunes minimes cadets qui sont très bons. Mais après, ils sont très bons aussi à l'école, sont très bons étudiants, etc. Donc, ils s'en vont sur Grenoble, Aix-en-Provence, Marseille. J'en ai là, en ce moment, il y en a un qui était à Carpentras, qui est cinquième français sur 400 haies, Guillaume Sarnette, qui est parti. Enfin, voilà, il y a... pour nous, on sait que... Moi, je veux former, je veux pas qu'il soit champion de France en cadet. J'espère qu'il continue après. Et souvent, je rencontre des enfants qui ont 20 ans, 30 ans. Il y en a qui est entraîneur à Montpellier dans l'athlétisme, Hugo Prieur, enfin, tous ces jeunes, ils ont continué, donc je suis content, je suis fier de moi. Ouais, ça c'est une belle fierté, je crois, Jean-Yves. Avant de revenir avec Didier, c'est bien quand on entend quelqu'un qui est fier de lancer ses belles carrières, et chacun après l'illumine comme il veut, quoi. Tu le sais, Fred, tu connais mon attachement à la formation dans les clubs. L'avenir de quelque sport que ce soit et de quelque club que ce soit ne peut passer que par la formation. Lorsqu'on construit en allant chercher des mecs à droite à gauche, en espérant avoir des résultats rapidement, ça peut pas fonctionner, ça marche jamais. En tout cas, ça marche sur une courte durée, mais ça peut pas devenir des solutions pérennes. Et bien effectivement, quand on forme des gamins et qu'on a la chance de voir ces gamins évoluer, et puis eux-mêmes, après avoir eu de bons résultats en tant que sportif, devenir aussi des entraîneurs, j'ai eu la chance que ça m'arrive aussi. On a l'impression, quelque part, d'avoir réussi sa mission, en fait. On a l'impression d'avoir apporté sa pierre à l'édifice et d'avoir fait ton job suffisamment bien pour que d'autres gamins aient envie de faire la même chose. Et souvent, ça passe par là. Les grands clubs sont des clubs formateurs. Ouais, bah ouais. Je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir d'entendre ça. Didier. Bah, le travail de base est significatif, hein, parce que bon, j'étais un ancien du club de Vesper, qui était également un club formateur. Bon, après, les jeunes sont partis faire leurs études, mais certains, quand ils reviennent, s'ils reviennent dans le Vaucluse, ils reviendront, disons, à leurs premiers amours. Bon, c'est pas évident. Mais l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune qui a été formé par Eric. C'est Hugo Prieur, qui a fini sa course, malgré que les 500 derniers mètres ont été pénibles pour lui, parce qu'il avait une sacrée entaille au niveau à côté du tendon d'Achille, où il s'est fait ouvrir la chaussure et la jambe. Il m'a reconnu, hop, tout de suite, je l'ai amené à l'infirmerie, mais le garçon, moi, c'est plein de souvenirs du club de Carpentras, et puis aussi au niveau d'Eric, et puis tous les jeunes que je rencontre, hein, que ce soit pas de Carpentras, qui sont de Vaucluse, qu'est-ce qu'ils me rappellent? C'est leur souvenir, leur première pointe, comment ils ont démarré l'athlée, et c'est de la communication, puis c'est du travail qui est fait à la base par les coachs. Juste avant de revenir sur le résultat du championnat de France, j'aimerais rendre honneur aux deux personnes qui sont très chères à ce club de Carpentras. C'est monsieur et madame. Monsieur, je crois, est disparu. C'était bien, oui, ça. Oui, monsieur Seden est disparu. Ben, ça fait un an maintenant. Oui, parce que monsieur Seden était venu avec madame ici. Ah, d'accord. Il y a quelques années en arrière. Et, ouais. Et c'est vrai que Didier m'a mis au courant un petit peu des faits de vie, on va dire, malheureusement. Ben, les piliers du club, oui, ça faisait 45 ans qu'ils étaient là. Elle est encore là, madame Seden. Elle est avec nous. Elle s'occupe toujours des jeunes. Et puis c'est pour ça que j'ai continué le relais pour, par rapport à eux aussi. Puis former des jeunes pour qu'ils après me relaient. C'est terrible, c'est bien, c'est magnifique, c'est presque une conte de fées. De voir, il y a bien des clubs qui aimeraient, j'aimerais qu'ils aient un petit peu cette approche des choses, parce que bien souvent, on essaie plutôt plus d'enrichir le club et d'avoir une belle vitrine extérieure. Et quand on est des champions, et bien on essaie de se les garder pour essayer de prendre de glaner des points dans des clubs du championnat de France. On connaît ça, Eric. Oui, bah nous, moi j'aime bien quand il y a des champions, hein, faut pas rêver non plus. Hein. Mais on a de tout au club. Hein, on a aussi bien la personne qui, enfin je parle de course à pied par exemple, qui vient courir, qui arrive à peine à faire 2 tours de piste, et puis qui nous aide pour autre chose. Et puis il y a celui qui va aux France, il y a celui qui aux France fait encore beaucoup mieux, etc. On essaie de créer une famille, en fait, on a besoin de tout le monde. Hein, dans la société, on a besoin de tout le monde, et là au club, on a besoin de tout le monde. Didier, revenons un petit peu à ce championnat de France, parce qu'on va revenir à ce cadet qui risque, peut-être Didier, Eric va nous en parler, qui risque de devenir peut-être un joli petit champion, on ne sait pas encore. Depuis que je connais Eric, il a évoqué aussi le nom d'un autre jeune qui était un coureur de 8 et qui maintenant fait du 400 et c'est le jeune Sarnette. Mmh. Ça me fait plaisir parce qu'en même temps c'est un gamin qui a à la hauteur et pas des plus mauvais, il a des qualités au saut en hauteur, mais coureur de 400 et sur 800 il avait des perfs. Alors je connais pas vraiment ses perfs sur 8, mais je sais qu'il aurait pu se dire c'était pas extraordinaire, c'est pour ça que je l'ai mis sur 400 et parce qu'entre il passait très bien les haies, il était assez bon sur le 800 mètres et du coup ça fait une bonne conjugaison. Il est les 5e français actuellement en espoir et ouais, sur Annecy. Son chrono, alors 53 secondes, je ne sais plus combien de dixièmes, mais ça, bon, voilà, il est dans... Faut envoyer sur les... Il est dans le suivi, oui. Et les au niveau du 400 et c'est des basses, mais elles sont à combien déjà? Elles sont à 84. 84. Faut envoyer, hein, parce que déjà 0,84, oui, bah, quand tu vois ça. Et puis ensuite, 53, et puis voilà. Entre autres, au niveau de ces résultats, c'est vrai que, bon, on en avait discuté aux interrégionaux. Revenons, on s'était peut-être un peu précipité sur... Jean-Yves, dis-nous la personnalité, le personnage, qui c'est, de qui on parle ce soir, parce que là, on est un petit peu perdu. Ouais. Toi, dans ta tête, tu sais où tu en es, mais les auditeurs, ils se disent, on parle de Sarnette, on est dans le championnat de France de cross, remettons un petit peu les choses. Alors, c'est vrai que... Parle de ce jeune homme et dis son nom, parce qu'il mérite, parce qu'il a fini, tu vas tout nous dire, pour ce championnat de France de cross. Alors, c'est vrai que Romain Legendre, je le voyais pas loin de la boîte, presque, mais la course a été quand même très costaud. Dimanche. Romain quand même fait deuxième aux interrégionaux à Roque-Baron, à 2 secondes du premier. Le premier, c'est un athlète qui est du club de Fréjus. Mais là, il a gagné ses France, ce jeune de Fréjus, d'une manière époustouflante. Il est monté, comme l'a dit Eric, on en a discuté après la course, il est monté en puissance. Et puis, c'est vrai que Romain également a... Je me suis posé la question, est-ce qu'il aurait accroché, il aurait pu accrocher ou quoi Et c'est lui qui a fait tout le boulot sur le deuxième groupe qui était derrière, à 20 mètres, mais il faisait chaud, les conditions, et une belle course quand même. Et c'est pas ça, je me permets. Hein. Vas-y, je connais cet athlète, ça fait 2 ans que je l'entraîne, donc il est tout neuf déjà. Le premier, il n'est pas tout neuf, ça fait des années qu'il s'entraîne, et beaucoup d'ailleurs, alors que Romain s'entraîne 4 fois dans la semaine. Il est tout neuf et je veux le monter tranquillement. Et comment tu as détecté ce Romain? Tu as senti qu'il avait des qualités? Il est venu à la maison, au club. Oui, c'est pareil. Ouais. Il est venu au club et puis il avait envie de courir. Et d'ailleurs, j'étais obligé de le freiner parce qu'on a quand même des avions chez nous aussi et il voulait les suivre à chaque fois. Je dis non, si tu veux les suivre, tu t'en vas, je t'entraîne pas, c'est pas la peine, tu vas m'écouter. Et puis tout doucement, on a travaillé, il a compris, voilà, il y a plein de choses à apprendre à courir, à placer ses bras, la technique, etc. Et là, on est surtout dans une préparation foncière, parce qu'il est jeune. Et hier, il a fait son travail comme il a pu. Est-ce qu'il est à son niveau? Et il a fait septième français. Je suis vraiment ravi pour lui. Voilà. Ah ouais, je suis très heureux de ce beau résultat. C'est vrai qu'on a besoin, parce que bien souvent, dans ces championnats de France, et c'est pas pour être médisant, mais depuis quelques années, on est un petit peu effacé par les régions du Nord qui sont toujours dans les premières places. Il faut dire ce qu'il y a. Oui, et puis là, en cadet, il y a un très, très, très bon niveau. Hein, donc... Très là, il est dans le top 10 et ça va très vite. Et bon, en cadet, c'est des catégories où on s'entraîne une fois par jour, ou presque deux, ou ceux qui débutent 4 fois ou 5 fois par semaine. Et Romain, il en est là, quoi. C'est très révélateur, Cadet. Parce que moi, j'ai participé un petit peu à l'athlétisme. Ouais, ouais. Et je sais que c'est très révélateur, Cadet. Quand tu es fort en Cadet, ben, si après tu te brûles pas trop les ailes, voilà, tu peux toujours. Attention, brûler les ailes, j'ai bien dit. Voilà, c'est brûler les ailes. Donc, il faut faire attention. Si ce soir il nous écoute, c'est vrai que moi je lui conseille de t'écouter, quoi. Oui, non, parce que c'est très important, oui, de freiner. Oui, puis on est une équipe, on est tous ensemble. Enfin, alors, on essaye de l'aider au mieux possible, quoi. Moi, c'est vrai que hier j'étais, vraiment, époustouflé par tout ce qu'il y avait au niveau à la fois des cadets et des juniors. Il y avait vraiment des courses où il y avait un impact au niveau des groupes. Les courses au départ ne se décantaient pas sur les premiers kilomètres, mais ensuite c'était vraiment un peu, enfin disons, aussi bien chez les filles, hein, comme chez les garçons, le nombre de participants. Tu retrouves l'esprit du cross. Alors, donc, combien de participants tiens, bon, il faut compter entre 300 et chez les juniors, ils étaient au moins 500. Alors là, quand tu vois 500 athlètes. Et cadets, 400, et puis c'est des jeunes, et donc c'est des chiens fous, parce qu'ils attendent que les grilles s'ouvrent pour se mettre en place. On a l'impression qu'ils vont dans la cage au lion, quoi, comme des dingues, ils s'en foutent. Ouais. C'est le rugby, c'est pareil. Non, mais en même temps, s'ils n'ont pas ce mental-là, ouais, non, en cadet ou même en junior, ils ne l'auront jamais, de toute façon, puisque, tu le disais, mais les catégories cadets, alors souvent, c'est des gamins, c'est là qu'on détecte si les mecs sont bons techniquement, ouais. Mais c'est aussi là qu'on détecte s'ils ont... un peu de mental, voilà, s'ils ont envie d'y aller, s'ils n'ont pas envie d'y aller. Et clairement, un gamin qui en cadet va aux France en reculons ou rentre sur un terrain, ou dans n'importe quel sport d'ailleurs, peu importe, qui rentre sur un terrain en reculons, oui, tu te dis que ce gamin-là va pas faire de vieux os, quoi. Alors, on va parler un petit peu du sport d'équipe. Hein. Si tu veux, quand on va au championnat de France de cross, quand on est qualifié, qu'on soit n'importe quelle athlète, on est un petit peu abouti. Pour un jeune coureur, d'aller au championnat de France, c'est presque un honneur. Ah, et oui. Je crois que le championnat de France est vachement prisé par les athlètes. Et tu vois, le championnat de France, c'est... Tu as été coureur, oui, hein, oui, tu sais très bien ce qu'on veut dire. Oui, on est impressionné, oui. C'est une récompense qui est à la hauteur, tu as envie de tout gagner. Sauf que le gamin qui se contente d'aller au championnat de France et qui a l'impression d'avoir touché le Graal, juste hier, d'aller à Saint-Galmier, je crois, c'est ça. Celui-là, tu peux... T'es quasiment certain que tu vas pas le retrouver un peu plus tard, parce que il est content, il a touché son Graal. Et le gamin qui a envie de casser la ligne au championnat de France, celui-là, tu te dis, tiens, peut-être que lui, il a un truc en plus. Ben. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, l'an dernier, Romain y est allé, il a fait 45e. C'était la première fois, il y avait de la boue et tout, il était impressionné partout, il était observateur sans s'en rendre compte. En fait, je pense que la première année où on va au championnat de France, moi j'étais pareil. J'étais content, je rencontrais le gars que j'avais vu sur l'équipe, etc. J'observais sans m'en rendre compte. Puis bon, pour la course, après, voilà, j'étais presque observateur. Bon, j'ai fait dernier de la finale, j'étais en finale quand même. Mais pour dire, par là, et l'année d'après, c'est plus pareil, on y va pour autre chose. Ouais, mais bon, en effet, c'est ça la course à pied, tu sais, un sportif reste un sportif et le gamin qui est juste content, par exemple, d'avoir une sélection ou d'avoir et qui presque a l'air de s'en contenter finalement, s'il n'arrive pas à se remettre rapidement au travail après ce truc là, et ben tu te dis que celui-là il n'arrivera pas, alors que bien sûr que la première année il découvre ce monde-là. Après, bien sûr que la première année t'es impressionné d'être là, machin, mais dès le lundi soir, quand tu reviens des championnats de France, il faut te dire, j'ai envie d'y retourner ce coup-ci pour la casser la ligne. C'est ce que Romain m'avait dit l'an dernier. C'est ça, voilà. Déjà, il faisait la gueule dans la voiture parce qu'il avait fait 45e, il croyait qu'il allait arriver premier tout de suite, lui. C'est pas étonnant que cette année, il fasse une bonne perf. Il fait 7e et il est content, là, parce qu'il est arrivé, il a fini hypoglycémie et tout, et il s'est vraiment transcendé, quoi, le gamin. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Romain vient d'un club que tu connais. Il vient du BMX de Pernay. Et on connaît le coach, la personne qui... Laurent Maditelli, bonsoir pour Laurent. Et je sais que Laurent, on parle d'athlée avec lui, il me dit, mais je connais des gars et tout. Et il le connaissait, il m'en avait parlé l'année dernière. Laurent et ma vie, à Carpentras, Romain Lejean. Son père était le président du BMI de Carpentras. C'est terrible, hein, c'est comme quoi cette cause a effet. Voilà. On est dans le monde du cyclisme, le gamin peut-être devait briller, mais pas des plus. Ben, il aimait bien, beaucoup, et puis il a préféré, bon, il a choisi la course à pied, il faisait un peu de tout, il a fait du rugby d'ailleurs, à, je crois que c'est à Monteux. D'accord. Ouais, je sais plus avec qui, enfin bref, je connais pas trop moi. Et du coup, il a dû choisir. Il fait de la trottinette, il fait plein de choses. Ouais, non, mais en plus, il a le talent, quoi. Là, il a décidé de consacrer à ça, quoi. Et voilà. Puis, c'est bien pour lui parce que les résultats sont là, quoi. À l'arrivée, j'étais avec lui, puis aussi avec un autre jeune. Hein. Il me dit, oh, je me suis lâché dans la ligne droite pour aller chercher tout, mais j'avais les tripes, j'ai failli tout à l'arrivée. Ça s'écroulait aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et je lance un petit message aussi à Loris Albert, qui est du CSMA, qui avait fait 10e aux Inter, c'est pour te dire, il fait 10e aux Inter. Romain fait 2e aux Inter, et là, Loris fait 193e. Oh là. Ah, et là, il m'a dit, je suis dégoûté parce que j'en avais encore sur les jambes, mais je me suis fait, ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé les France. Oui, t'es qualifié. Grosse densité. Voilà, grosse densité. En quelques secondes, il peut avoir, en 20 secondes, il peut avoir 30 bonhommes en 20 secondes. Ah ouais, non, donc c'est clair. Pour ça, la place, on dit, oh, 190e, mais voilà. Mais il faut voir, le c'est... truc de plus, quoi. le championnat de France, c'est le must du cross-country. Bon, la seule chose, j'ai discuté avec quelqu'un de la FFA, qui est un attaché de presse, qui s'est permis de m'avoir mon accréditation, il m'a dit... Ce qu'on nous reproche, Saint-Galmier, c'est sûr. Ben, je suis venu en 2005 à Saint-Galmier, il y a eu le championnat du monde de cross. C'est un hippodrome, mais c'est un hippodrome avec peu de difficultés. Hier, les conditions étaient idéales. Pas de pluie, très peu de boue, même pas. C'était du gazon. Mais ça envoyait. Et là, le départ, il fallait pas le rater. Il fallait aller à l'avant. Messieurs, une question que peut-être des personnes se posent aussi, juste après le championnat de France. Est-ce qu'il y a le championnat du monde, le championnat d'Europe? Est-ce qu'il y a une course qui suit derrière? Et comment on fait pour qualifier par catégorie? C'est que le champion de France qui est qualifié? Alors non, derrière, au niveau, je vois le cas de Hassan Chadi, le cas de Christelle Denet, elles sont qualifiées pour les championnats du monde. Alors, je ne sais plus si c'est le Portugal ou l'Espagne, j'ai eu le nom. C'est fin février, dernier week-end en même temps que le Tour des Remparts. C'est les 7 premiers en fait. Hein, les 7 premiers, oui, les 7 premiers. Et c'est vrai qu'ils prennent, je ne sais pas si c'est à partir de la catégorie junior. Il n'y a pas les cadets. Non. Junior. Et puis, faut envoyer. Il y a une sélection. Maintenant, c'est plus tous les ans qu'il y a un championnat du monde. Je ne sais pas si c'est Tous les deux ans. Tous les deux ans. Tous les deux ans. Avant, c'était tous les ans. Ah ouais, du coup, ça te plombe le gamin qui a gagné l'année dernière. Quoi. Voilà. Voilà. Non, bah, c'est non, vrai. Non, mais après, en senior, bon, ça dure longtemps, là, senior. Donc, c'est surtout là le plus important. Et puis par équipe, en France, on est très fort, quoi. Surtout par équipe. On a été plusieurs fois champion du monde. À l'époque, comme tu l'as connu, Fred, à l'époque de Thierry Pantel, Paul Harpin, Polo Harpin, l'équipe de France s'est distinguée, c'était homogène, les gars, ils ont voulu. Sur piste tout à l'heure, je parlais de. C'est l'époque. Oui, bah, Thierry Pantel, je l'ai vu hier au championnat de France. Ça fait drôle. Et avec Alès et tout ça. Ouais, il court club. Toujours un peu ou non, il fait comme toi plus, oui, comment on court plus, non. On n'a plus envie. Hein. Puis on ne peut pas tout faire. Ouais, si, on court pour la santé, quoi. Ah, parce que ça donne la santé de courir, d'accord. Ça fait du bien, disons. Moi, ça me décontracte. Continuons. Parce qu'on pourrait, ça prend vraiment du plaisir dans cette émission. J'espère que vous aussi. Alors, c'est vrai que. 20 minutes. Hein. Comme je te le disais, le must des France, c'est pas moins de 10 000. Et là, ils étaient pas loin de 15 000 spectateurs. Ouais, alors, quand arrive l'apothéose. L'année dernière, je te l'avais dit, comment on avait fait un direct au Mans, c'était le temple du cross, le Mans, puisque là, ça avait beau être un hippodrome, mais tu avais des passages debout. Et là, je peux te dire que les athlètes, ils se sont régalés. Il y a eu beaucoup de chutes l'année dernière. Les soins médicaux entre infirmiers et puis médecins, ils ont eu du boulot. Cette année, un peu moins, mais c'était un peu plus la chaleur. Mais le départ, comme au niveau de l'arrivée, ça allait à 100 à l'heure. Dans toutes les courses. Et il y avait un impact physique et un impact à l'arrivée. Je l'ai vu chez les femmes. Hein. J'ai vu Christelle Denet qui revient de blessure. Ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas fait de cross de championnat de France parce qu'elle avait eu une rupture partielle du tendon d'Achille. Là, elle revient. Elle gagne. Il y a juste une vétérane qui est devant. Pas une vétérane, une Kenyane qui gagne devant elle. Elle est vétérane. Mais les filles, elles ne sont pas faites de cadeaux. Hein. La coureuse de 3 multiples qui est Duarte, c'était le top. Qui a mené la course, et Christelle, je te parle à cause féminine, dans le dernier kilo, elle a envoyé. Et Christelle, elle aime la pub. Elle adore la pub. Allez, on passe à la pub, on revient.